Love Story est terminée. Il n'y a plus rien à la télé. C'est fini la Rim TV. Et maintenant, on va se faire chier. Mais si, il y a Koh-Lanta. Les aventuriers de Koh-Lanta. Ils bouffent des verres toute la journée. Ils passent leur temps à chercher de la bouffe pour manger. Il n'y a vraiment rien à regarder. Mais si, il y a Koh-Lanta. Les aventuriers de Koh-Lanta. C'est même pas de la Real TV, c'est du Fort Boyard encapsulé. C'est déjà enregistré et ça fait vraiment pitié. Mais si, il y a Koh-Lanta, les aventuriers de Koh-Lanta. Mais ça vaut pas. Yes, I wanna do it now. Ah. Mais. Là.